Obu 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Cette semaine, nous Mathieu Planchot. Dans TRVG, Netflix ajoute un talk show à ses programmes. C'est ça, je vais stresser parce que je suis en retard sur les 180 épisodes de la saison 1. T'sais. Dans Segment Geek CNX, la plus grande collection de jeux vidéo du monde vendue pour 750 000 $. Je crois que c'est le prix que ça coûte si je veux acheter tous les jeux de Mario de l'histoire. T'sais. Et dans Merci Science, pour arrêter de fumer, tous les cerveaux ne sont pas égaux. Le Mathieu Planchot avec Mathieu Planchot commence maintenant. Et voici celui qui aimerait se taper la saison 1 du Mathieu Plante Show, mais il n'y a pas le temps. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission, le segment Geek CNX, c'est le survol du web dans What Web. C'est un fait Tech Edition et la chronique de science et technologie. Merci science. On va évidemment commencer comme toujours avec Television dans quelques instants. Oui, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose dans Television, bien honnêtement. Entre autres, si je vous donne un petit avant-goût, on va parler de super écran qui se déploie sur vos multiples téléphones, tablettes et autres. On va aussi parler du retour prévu de la série dérivée de Breaking Bad, Better Call Saul, avant même que la première saison commence. On annonce déjà la saison 2. Donc c'est dans Television dans quelques instants. On va aussi faire notre série Donkey Kong Country 3 Double the Trouble dans la deuxième heure de l'émission. Mais pour l'instant, la musique chiptune, c'est-à-dire créée à partir de consoles de jeux vidéo ou inspirée par la musique de jeux vidéo, un petit peu dans tous les genres. On débute avec donc un remake, un cover d'une chanson que vous allez peut-être reconnaître. Comme à chaque fois que je vous passe un cover, je vous laisse deviner ce que c'est vous-même. Voici Winter 8-Bit Cover avec un titre à déterminer. Au Mathieu Planchot. L'artiste Winter, la pièce de Linkin Park, Burn It Down, Winter Chiptune Cover. Donc, évidemment, une reprise de Linkin Park. C'est la devinette que je vous ai posée juste avant la chronique. À ce qui nous amène à parler de télévision, voici Television Television. C'est Télévision, Télévision, où on parle de télévision et de choses qui entourent ce monde-là. Commençons avec des nouvelles québécoises. Il se passe vraiment pas grand-chose. Donc, on dirait deux publicités pour débuter la chronique. Super Écran se déploie sur tous les écrans avec son service Go. Donc, Bell Media a lancé le service Super Écran Go qui offre un accès instantané et illimité à la programmation de Super Écran sur ordinateur, Mac ou PC, iPad, iPhone et iPod Touch avant le déploiement pour les appareils Android plus tard. Gratuit pour les abonnés de la chaîne, l'application propose de visionner des films récents et des séries exclusives sur demande, partout et en tout temps. Le nouveau produit, la télé partout de Bell Media est lancé avec Bell Télé, Vidéotron et Cogeco Câble Canada et le premier service Go en français de l'entreprise. Super Écran Go donne également accès aux abonnés de Cinépop. Ben, eux, ils auront droit à Cinépop Go qui propose une sélection de films classiques et populaires. Super Écran Go offre près de 500 heures de programmation en qualité haute définition. Il y a aussi des séries de HBO et de Showtime, dont Game of Thrones saison 4. Au cours des prochains mois, Bell Media lancera des services Go de ZTV, Canal D, Canal V et Vrac TV. Donc, séparer chacune de ces applications-là dont doivent être téléchargées gratuitement. Mais il faut être abonné aux chaînes. C'est ça qui est difficile. Comparé à HBO Go, aux États-Unis, il faut juste être abonné à HBO, si je me rappelle bien. Bell et Attraction Images diffuseront un docu-réalité seulement pour les abonnés de Bell Télé. Hein? Dès le 2 juillet, les abonnés de Bell Télé découvriront en exclusivité l'événement, une nouvelle série télévisuelle produite par Attraction Images via l'application mobile Bell Télé. La série hebdomadaire diffusée en français et en anglais donnera aux téléspectateurs un accès en coulisses exclusif en suivant les équipes de production qui mettent en scène certains des plus importants événements musicaux et culturels de l'été dans un format de télé-réalité en 8 épisodes. Le docu-réalité suivra les producteurs, les équipes de production, les concepteurs et les gérants d'événements, ainsi que les interprètes et les artistes eux-mêmes. 48 heures avant certains des plus importants concerts et spectacles culturels au pays, dont les Francopholies de Montréal, le Festival international de jazz de Montréal, le Festival d'été de Québec et le Festival musique et art Oceaga. Pour découvrir ces coulisses, les réalisateurs Jean-François Poisson de l'émission District V et Guillaume Saint-Arnaud de L'amour est dans le pré, très pertinent, porteront leur regard éclairant, disons. En septembre, l'ensemble des épisodes sera disponible en vidéo sur demande sur Bell Local. Donc c'est ça, c'est une série qui est seulement disponible chez Bell, donc un public très restreint déjà pour ce type d'émission-là qui est très très spécifique, on s'entend. Et là en plus, seulement les gens qui sont avec Bell vont pouvoir l'écouter. C'est un investissement, au moins sur la programmation originale. Donc faut encourager ça, mais je sais pas, j'aime pas tellement la ségrégation des contenus, un peu à la Canal Vox et autres, c'est quoi, Ma TV à Star, je crois. Bref, des émissions que seulement une pointe de public peut écouter, je trouve ça un petit peu dommage, j'aime mieux quand c'est ouvert à tous. AMC renouvelle la série dérivée de Breaking Bad avant même son lancement. La chaîne de télévision américaine AMC a renouvelé Better Call Saul, une série dérivée de Breaking Bad, pour une seconde saison avant même d'avoir diffusé le premier épisode de la première saison. AMC et Sony Pictures ont signé une entente pour la série l'an dernier, alors que les 10 épisodes de la première saison sont présentement en production. Better Call Saul devrait commencer en novembre prochain. Devait commencer en novembre prochain, mais est repoussé au début de 2015. Le premier épisode de la série sera réalisé par Vince Gilligan, qui est le créateur de Breaking Bad. La deuxième saison comportera 13 épisodes et sera diffusée en 2016. Donc vraiment, on a une série de 10 épisodes en 2015 au début de l'année. Et ensuite, il faut attendre jusqu'en 2016 pour 13 autres épisodes. C'est vraiment long comme attente. Better Call Saul va suivre le personnage de Saul Goodman de la série Breaking Bad. Goodman est un avocat véreux qui a travaillé pour Walter White, un professeur de chimie, qui décide de fabriquer de la drogue après avoir reçu un diagnostic de cancer. La nouvelle série est développée par l'auteur de Breaking Bad, Peter Gould. C'est lui qui a créé le personnage de Saul Goodman et qui est joué par Bob Odenkirk. True Blood maintenant en version comédie musicale, si ça vous intéresse. HBO sera en train de travailler sur un projet de comédie musicale basé sur la série de vampires True Blood. L'information a été confirmée par la chaîne APH a été confirmée par la chaîne APH, c'est HBO, à Variety, qui est un journal. Si ce projet n'en est pour le moment qu'à l'état d'ébauche, le compositeur Nathan Barr, qui détient les droits de la fiction, a déjà quelques chansons à présenter à HBO. L'œuvre musicale serait centrée sur Sookie Stackhouse, la télépathe interprétée par Anna Paquin. Actuellement, aucun nom ne circule pour une éventuelle distribution, mais selon Nathan Barr, le comédien Stephen Moyer, qui joue le vampire Bill Compton, l'aurait aidé à présenter des extraits du projet à HBO. On va évidemment suivre le dossier. Les Super Nanas sont de retour à la télé en 2016. Plus d'une décennie après la fin de la version originale, les Powerpuff Girls seront de retour sur Cartoon Network avec une nouvelle série en 2016. Selon The Wrap, l'annonce a été faite au 2014 Licensing Expo à Las Vegas. Les détails sur la production sont présentement très, très minces. On ne sait pas encore si le showrunner Craig McCracken va être de retour. Les Powerpuff Girls, Super Nana, donc, ont commencé sur Cartoon Network en 98 et avec le laboratoire de Dexter et d'autres, ont finalement gagné la critique et le public. C'est devenu des séries cultes. À la fin de la série, en 2005, l'émission mélangeait des histoires de super-héros, de science-fiction, de pop culture et de la satire pour attirer son public. Ça a mérité 2 Primetime Emmys. Donc, la popularité était tellement élevée qu'on a ramené la série pour l'émission spéciale créée par ordinateur avec l'ancien Beatle Ringo Starr comme nouveau personnage. On avait parlé de ça à l'époque. À l'époque, ça fait quelques mois à peine. Donc, ça avait reçu des critiques moyennes à positives. Donc, entre moyennes et positives, disons qu'on ne sait pas si ça va garder ce format-là. Et on va voir. Netflix ajoute un talk show à ses programmes. Le service américain de vidéo en ligne Netflix lance un talk show présenté par la comédienne Chelsea Handler, dont Netflix a annoncé la signature d'un contrat avec la fantaisiste qui inclut le premier talk show à n'avoir jamais été présenté pour un système mondial à la demande. L'émission, dont le titre n'est pas encore connu, démarrera en 2016, mais sera précédée de diffusion de spectacles ou d'émissions spéciales de la comédienne. Netflix veut réimaginer le talk show de dernière partie de soirée, comme on appelle, donc en fin de soirée, comme on dit au Québec, pour la génération qui regarde la télévision à la demande, surtout le soir. L'émission sera diffusée dans tous les pays où Netflix est implanté, donc en Amérique du Nord et du Sud, aussi d'ici la fin 2014 en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Allemagne et Autriche pour Netflix. Chelsea Handler, également auteur de best-seller, est la seule femme à animer un talk show de dernière partie de soirée, un genre très prisé aux États-Unis. Son contrat avec la chaîne du câble I doit s'achever au mois d'août. En fait, c'est elle qui a décidé de tirer la plug sur son talk show tout de suite. Elle disait lorsqu'elle a quitté, lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait quitter, qu'elle était tannée de couvrir les sœurs Kardashian et Justin Bieber et autres. Elle veut s'éloigner de ça le plus possible. Et la chaîne E, qui est un genre de... je sais pas, de flash 24 heures sur 24, si on veut, si on peut faire une référence d'il y a beaucoup trop longtemps. C'est du people, comme on dit. Là, du potinage. Ouais. La finale de Game of Thrones bat des records de piratage. C'est pas une grosse surprise, mais que vous soyez impatient de voir les plus récents épisodes de votre série préférée ou que vous soyez tout simplement trop cheap pour vous abonner à la chaîne locale qui détient les droits de diffusion exclusifs de sa version originale, nous dit branchez-vous. C'est un peu ce que je pense aussi. Plusieurs d'entre vous choisissent de télécharger illégalement du contenu que vous convoitez. Et je m'en cache pas, je fais la même chose. Sur mon blog Torrent Freak, le dernier épisode de la 4e saison de Game of Thrones a battu un nouveau record en matière de téléchargement par Torrent. Quelques heures après que l'épisode intitulé The Children ait été distribué sur le web, les trackers ont indiqué que 254 114 internautes étaient en train de se partager l'épisode en même temps. Parmi ceux-ci, 190 701 internautes distribuaient le fichier complet, tandis que les 63 413 autres étaient toujours en train de télécharger leur copie. Le Fonds des médias du Canada nous rappelait en janvier dernier les propos du président de la programmation de HBO, Michael Lombardo. HBO, c'est le réseau, la chaîne qui diffuse Game of Thrones. Lorsque celui-ci apprenait que la série était consacrée la plus piratée de tous les temps, il avait dit, je cite, « Je devrais pas le dire, mais c'est en quelque sorte un compliment. C'est quelque chose qu'il faut accepter lorsqu'on diffuse une émission très populaire sur une chaîne câblée. » Donc pour lui, le piratage n'a aucunement nui à la vente des DVD. Dans les 12 heures qui ont suivi la diffusion, The Children a été téléchargé près de 1,5 million de fois. Au total, 2 pétaoctets ont été téléchargés, soit 2048 téraoctets. Torrent Freak souligne également que c'est l'Australie qui détient le plus grand nombre de téléchargements, un phénomène qui s'explique par le fait que le câble distributeur Foxtel détient les droits exclusifs de la série pour ce marché-là. Autrement dit, si vous n'êtes pas client de chez Foxtel, vous n'avez juste pas la possibilité de regarder les plus récents épisodes de la série. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu peux pas? Quand même légalement, même si tu voulais le faire, tu peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pirater l'émission. Et dans ce cas-là, tu te sens aucunement coupable. Moins coupable que pas mal d'autres façons de pirater que les gens utilisent de nos jours en disant « Ah, c'est pas grave, c'est des grosses compagnies, ils ont plein d'argent dans les poches. » Mais oui, mais les créateurs, eux autres, l'argent, faut qu'elle leur vienne. Mais bon, chacun ses philosophies là-dessus. On partira pas de débat là-dessus. Pour les codes d'écoute maintenant, pour la semaine du 2 au 8 juillet 2014, allons-y en rafale avec le palmarès québécois, les positions 15 à 6. Juste pour rire, l'épicerie, LOL, la petite éduction, Vengeance, Esprit criminel, les gags, Sucré salé et Chicago Fire, Caserne 51. Et le TVA Nouvelle 18h. En cinquième, la non-émission du tout, Route Fortune chez vous. En quatrième, Film de filles, qui est une case horaire plus qu'une émission en particulier. Testé sur des humains en troisième place, la poule aux œufs d'or en deuxième et en première, c'est dans L'œil du dragon à Radio-Canada. Pour le Canada maintenant, 15e à 16e en rafale, les nouvelles de CTV, The Night Shift, Hell's Kitchen, Blue Bloods, les nouvelles de la fin de semaine, le film du dimanche soir sur CTV, NCIS, So You Think You Can Dance, 24 Live Another Day et les nouvelles du lundi au vendredi de CTV. En 5e, America's Got Talent, en 4e, Rookie Blue, en 3e, The Big Bang Theory, en 2e, MasterChef et en 1e, Stanley Cup Finals, les finales du hockey à CBC. Pour les talk shows, pour la semaine du 23 juin 2014, on commence par le Late Show avec David Letterman sur CBS. Demain soir, Melissa McCarthy de la sitcom Mike and Molly sur CBS. Mercredi, Mark Wahlberg. Oh, j'ai oublié, mardi, Rachel Lefebvre, une de mes préférées de tous les temps. Hein? Pour vrai. Au Tonight Show de Jimmy Fallon, ce soir, Brian Williams, l'animateur des nouvelles, qui est toujours très, très drôle quand il participe à des talk shows. Christina Hendricks de Mad Men va être là, c'est une rediffusion du 21 avril. Mardi, Louis C.K., l'humoriste que j'adore et que je viens de voir dans Parks and Recreation. Je suis en train de commencer la première saison, puis il est là-dedans. Il est bien drôle, mercredi, ça sert à rien de vous dire ça. Mercredi, Terry Crews, porte-parole de Old Spice, entre autres. Jeudi, Jennifer Lawrence et Craig Robinson de The Office. Vendredi, Kevin Spacey de House of Cards sur Netflix. Et Louis Black du Daily Show. Ensuite, Jimmy Kimmel Live sur ABC. Ça, c'est talk show de fin de soirée, donc d'un autre réseau. Zach Braff de Scrubs est là ce soir. Mardi, l'humoriste Roseanne Barr. Et puis jeudi, Bob Newhart. Voilà. Au Late Late Show de Craig Ferguson, ce soir, Kathy Bates. Mercredi, Alfred Molina, qu'on connaît pour les films de, je crois que c'est Spider-Man. Jeudi, Jane Lynch de Glee, entre autres, et Hollywood Game Night, un quiz que j'aime beaucoup regarder. Et vendredi, Ice-T. Allez voir le reste. Ah non, d'habitude, je fais pas Late Night avec Seth Meyers, je devrais. Pourtant, ça c'est sur NBC. Ce soir, Hugh Jackman et Kevin Nealon. Mardi, on a parlé de Parks and Recreation il y a deux secondes. Nick Offerman va être là avec sa femme, Megan Mullally, qu'on connaît de Will and Grace. C'est très cool. Mercredi, Demi Lovato et Dan Bacchadal. Et jeudi, Jonah Hill. Vendredi, Charlie Rose. Voilà pour la liste des talk shows. Allez voir le site assemblagerequis.com. J'espère qu'au moins quelques-uns de ces invités-là sont connus par vous, parce qu'on s'entend que c'est assez typiquement américain comme liste, tout ça. Voilà pour Television Television. Je vous avais dit qu'il n'y a pas grand-chose. C'était pas un mensonge du tout. C'est une petite semaine de nouvelles. Mais on va continuer avant de continuer avec la prochaine chronique. Qu'est-ce que c'est dans l'ordre d'habitude? C'est plus sûr. On vient avec Merci Science, entre autres, tantôt. Voilà. Mais pour l'instant, une chanson de J-Red, un artiste qu'on écoute fréquemment, Mathieu Plancho, parce qu'il fait de très bonnes chansons. Ça va entendre sa pièce Giga Snap tout de suite. Sur C'est Fou. J-Red, NPS, de Mathieu Plancho à C'est Fou. Et la pièce Giga Snap, entre parenthèses, Sega Genesis. Il vient de se procurer des nouveaux samples de drums, puis il s'en est servi pour faire cette chanson-là qu'il dit. Ça nous amène à parler de technologie et de science, la fusion entre les deux. Voici Merci Science. C'est Merci Science. On commence avec les humains qui auraient imité les oiseaux et les singes pour apprendre à parler. Des linguistes du Massachusetts Institute of Technology suggèrent que les humains ont créé le langage en associant des sons de primates pour le sens et des sons émis par les oiseaux pour l'expression. C'est ce que la science nous apprend. Certains animaux copient le langage humain, comme les perroquets. Hein? Et si l'inverse était vrai? Dans un article paru dans Frontiers in Psychology, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology émettent l'hypothèse que l'homme a copié les autres primates, mais aussi les oiseaux pour inventer le langage. La façon dont le langage humain est né reste un mystère de l'évolution d'Homo sapiens. Une théorie linguistique appelée merge ou fusion explique comment les humains construisent des structures de langage en combinant deux systèmes différents, ce qui distingue son langage des autres. Dans ce cas-ci, les auteurs décrivent dans leur hypothèse dite intégrative deux composantes du langage humain. Une partie appelée expressive, qu'on va dorénavant appeler juste « e », liée à la structure des phrases, et une partie dite lexicale ou « elle », où se trouvent les significations de la phrase. Par exemple, dans la phrase « Est-ce que Sophie a mangé des fraises? », la partie lexicale comprend les mots « Sophie, manger et fraises ». Les termes « Est-ce que » et « a » indiquent qu'il s'agit d'une question sur un événement passé. C'est la partie expressive de la phrase. Or, ces deux composantes « e » et « elle » du langage humain existent dans la nature. La partie E du langage se trouve dans le chant des oiseaux. Par exemple, dans les chants qui servent à la reproduction. Les oiseaux ont des profils types de chants, mais pas de mots. Ils posséderaient la syntaxe sans le sens. Cette composante E du langage exprime l'état interne du chanteur. En parallèle, la partie L du langage existe dans les cris d'alarme des singes. La plupart des primates non humains ne chantent pas. Cependant, il existe une exception, le gibbon, de la famille des hylobatidés, ou primates sans queue, voilà. Les gibbons chantent des chansons à la fois complexes et longues pour marquer leur territoire, attirer un partenaire ou renforcer les liens familiaux. Ceci rappelle le chant des oiseaux car ces chants expriment l'état intérieur du chanteur. Chez la plupart des espèces de gibbons, les chants du mâle varient sur des notes. Par exemple, dans l'espèce du gibbon argenté de Java, Hylobates moloch, je prononce ça n'importe comment, 14 notes distinctes peuvent être assemblées dans des ordres différents. Selon cette hypothèse intégrative, l'homme, ce primate, aurait donc ajouté à ses éléments de langage la composante expressive du chant des oiseaux, s'inspirant déjà de la nature en quelque sorte. N'est-ce pas là? Quelque chose de fascinant. Les hommes qui consomment davantage de charcuterie ont un risque d'insuffisance cardiaque augmenté de 28% par rapport à ceux qui en mangent moins. L'étude ne dit pas ce qu'il en est des femmes. L'équipe du chercheur de la docteure Alicia Wok du Karolinska Institute de Stockholm a travaillé à partir d'une large cohorte de 37 035 hommes âgés de 45 à 79 ans. Aucun ne présentait de maladie cardiaque ni de cancer au début de ce travail. Ils ont été suivis pendant 12 ans. Chaque année, les participants devaient remplir un questionnaire portant sur leurs habitudes alimentaires. Les auteurs se sont particulièrement attardés sur la consommation de viande transformée et plus particulièrement sur les produits de charcuterie, donc jambon, bacon, saucisse, que du bon stock. Après 12 années de suivi, les scientifiques ont observé une augmentation de 28% du risque d'insuffisance cardiaque chez les plus gros consommateurs de charcuterie, et ceci comparé à ceux qui en mangeaient le moins. Les auteurs ne précisent pas si ce constat peut être établi pour les femmes. Ils estiment en revanche qu'à choisir, il serait préférable de privilégier les viandes fraîches, donc porc et bœuf, à leurs dérivés transformés en saucisses, boudins et autres pâtés, qui sont tous à éviter selon eux. Une consommation modérée de viande non transformée, à savoir une à deux fois par semaine, limiterait le risque de maladie cardiovasculaire. Bon à savoir, c'est quand même un gros échantillon. À bord de la station spatiale, l'un des petits conforts qui manque aux astronautes est un bon espresso en fin de repas. On en parlait à Assemblage Requis la semaine passée. D'ici quelques mois, une machine spécifiquement conçue pour fonctionner en apesanteur sera installée à bord de la station. Lavazza et Argotec, société aéronautique italienne, se sont associés à l'agence spatiale italienne pour mettre au point cette machine à café baptisée Espresso. ISS, comme International Space Station, Espresso. C'est pas un simple gadget destiné à agrémenter le menu des astronautes, bien que l'alimentation soit un soutien psychologique important. Hein. Un bon petit café en fin de repas est ce qui manque le plus dans la station pour la plupart des astronautes interrogés en retour de mission. L'aspect scientifique et technique est très présent. En effet, la mise au point de cette machine s'appuie sur la connaissance des principes de mécanique des fluides et de leur comportement en situation de microgravité. Les solutions adoptées ont nécessité de déposer de nombreux brevets internationaux, dont certains seront utiles pour les futures missions spatiales et d'autres immédiatement sur Terre. Par exemple, le tube en plastique qui permet d'acheminer l'eau d'une machine espresso normale a été remplacé par un tube en acier spécial conçu pour résister à une pression de plus de 400 hectopascales. Comme tout ce qui monte à bord de la Station spatiale internationale, chaque équipement ou expérience doit respecter un cahier de charges très strict qui garantit la sécurité des astronautes, une compatibilité électromagnétique avec le reste des équipements de l'ISS et une impossibilité à s'enflammer. Résultat donc, une machine d'environ 20 kg, bien différente de celle qu'on utilise sur Terre, car elle fonctionne dans un environnement sans gravité. Son poids élevé s'explique notamment par la présence, pour des raisons de sécurité, de pièces de rechange pour tous les composants cruciaux. Bonne chose pour eux autres, du café, si tu veux rester éveillé pour faire tes expériences, tes affaires. Hein? Les eaux d'Australie ne sont pas épargnées par les déchets de plastique. À leur surface pullule une biodiversité étonnante d'êtres unicellulaires et même de petits invertébrés qui, pour certains, pourraient aider à débarrasser la surface de la mer de ces indésirables. Les matières plastiques déversées dans le monde marin ne cessent d'augmenter chaque année. Par des chocs incessants, les débris se fragmentent, se démultiplient et se réduisent en taille. Dans certaines zones de la planète, ces microplastiques se concentrent parfois à plus de 100 000 fragments par kilomètre carré. Dans cette soupe de déchets microscopiques, il est guère surprenant de voir des micro-organismes y élire domicile. La plastisphère est le nom que porte ce nouvel écosystème marin qui se développe sur les déchets plastiques. Ces colonisateurs joueraient un rôle dans le devenir de leur support artificiel, notamment au niveau de leur fragmentation et de leur flottabilité. Pour vérifier cette hypothèse, Julia Reiser de l'Université d'Australie-Occidentale et ses collègues ont récolté 68 échantillons d'eau de mer en différents points de l'Australie. Les résultats publiés dans la revue PLOS ONE montrent que les microplastiques de 1,5 à 24 mm présentent sur leur surface rugueuse des diatomées qu'on appelle. C'est des algues unicellulaires microscopiques parmi divers autres micro-organismes marins. 11 des 14 genres de ces diatomées sont pour la première fois identifiés sur les débris de plastique. Selon les scientifiques, ces micro-algues pourraient diminuer en surface la quantité de microplastiques dans le sens où leur poids croissant finirait par faire couler leur support. Cette chute de plastique dans les profondeurs des mers pourrait expliquer pourquoi le plastique flottant n'augmente pas autant que ce qui était attendu. Ça coule. Donc, c'est ce que supposent les chercheurs. Un phénomène qui déplace mais n'élimine pas pour autant les déchets de plastique de l'écosystème marin. Également recensés, les microbes qui participeraient à la désintégration du plastique en interagissant avec sa surface. Les auteurs de ces travaux suggèrent que ces organismes mangeurs de plastique pourraient devenir une solution biotechnologique pour une meilleure gestion de l'élimination des déchets en mer. On sait encore très peu de choses sur l'impact de l'ingestion par ces microbes marins de plastique, un matériau perméable à des polluants. Ceux-ci peuvent alors se libérer dans l'organisme, s'accumuler dans les tissus de ces proies potentielles microscopiques et ainsi s'accumuler dans les réseaux trophiques jusqu'aux gros poissons, ensuite aux baleines et même à l'être humain. Lors d'un apprentissage, le cerveau établit de nouvelles connexions. Le phénomène est connu, mais très lent. Il y a bien plus rapide, expliquent les chercheurs du MIT, la synchronisation d'ondes cérébrales entre le cortex préfrontal, celui des fonctions cognitives supérieures, et le striatum impliqué dans l'apprentissage. On va comprendre en lisant l'article. Hein? Les reconnexions viendraient ensuite. Le cerveau compte des milliards de neurones qui produisent des signaux électriques. La combinaison de ces signaux crée des ondes cérébrales qu'on peut détecter par un électroencéphalogramme. Dans une étude parue dans la revue Neuron, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology se sont intéressés aux ondes cérébrales enregistrées dans deux aires impliquées dans l'apprentissage, donc le cortex préfrontal qui contrôle les fonctions dites exécutives du cerveau et le striatum. Ces travaux-là ont donné lieu à une découverte majeure. Les chercheurs ont observé que ces deux aires interagissent en synchronisant leurs ondes lors de l'apprentissage. Jusqu'à présent, on expliquait souvent ce processus par la plasticité synaptique, à savoir la capacité des neurones à créer et défaire des connexions entre eux. Mais pour Earl Miller, professeur de neurosciences au MIT et auteur de l'étude, la plasticité neuronale prend du temps et ne permet pas une grande flexibilité de la pensée humaine. Les chercheurs ont donc voulu savoir si le cortex préfrontal et le striatum travaillaient ensemble ou indépendamment lors d'un apprentissage. Pour ça, ils ont enregistré l'activité des deux aires chez des singes qui apprenaient à classer des motifs de points en deux catégories. Au début, les animaux pouvaient mémoriser quels exemplaires appartenaient à quelle catégorie, mais ceux-ci augmentaient au fur et à mesure de l'expérience pour que les animaux apprennent les caractéristiques de chaque catégorie. Les singes, alors, comprenaient mieux l'exercice. À la fin de l'expérience, quand les chercheurs leur montraient 256 nouveaux exemplaires, les singes pouvaient les classer correctement. Ce passage de la mémorisation à l'apprentissage des catégories s'est traduit par des différences très nettes dans les profils des électroencéphalogrammes. Les ondes bêta, produites indépendamment par le cortex préfrontal et le striatum, ont commencé à se synchroniser. Les auteurs observent des synchronisations particulièrement fortes entre certaines paires de régions du cortex préfrontal et du striatum, et ce, pour l'une ou l'autre des deux catégories présentées aux singes. Leur conclusion est que ces synchronisations-là permettent, dans un second temps de l'apprentissage, de former de nouveaux circuits de communication entre le cortex préfrontal et ce même striatum de tantôt. Les singes, et nous aussi sûrement, parvenons donc à apprendre plus vite que le permettait le seul établissement de nouveaux réseaux. L'article provient de Futura Science. Fumeurs, vos cerveaux ne sont pas égaux face à l'arrêt du tabac. Des chercheurs de Pennsylvanie viennent de comprendre pourquoi. Si l'ensemble des raisons de cesser de s'intoxiquer ne motive pas de la même façon chaque individu, c'est dû à une région du cerveau qui réagit trop peu à la récompense. Au-delà des maladies proprement dites, telles que les cancers ou les maladies cardiovasculaires, la cigarette entraîne aussi des diminutions de la fertilité, un jaunissement des dents, des carences en vitamine B et C, une détérioration de la peau et même une baisse des capacités sexuelles. Alors pourquoi est-ce que les fumeurs continuent de fumer, hein? La nicotine, comme toutes les drogues, agit sur le circuit de récompense qui a un rôle central dans la mise en place de la dépendance. Elle est également fortement impliquée dans la motivation et le comportement à adopter pour atteindre ce but indispensable à la survie de l'individu et de son espèce. Les chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie aux États-Unis ont étudié ce système neuronal situé dans le striatum, encore le maudit striatum ventral cette fois-ci. Trop de striatum pour moi. S'abstenir de fumer contre de l'argent. Voilà l'offre, le marché que le psychologue Stephen J. Wilson, premier auteur de l'étude publiée dans Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience, a proposé aux fumeurs volontaires. Pour certains, cette récompense monétaire semble avoir moins de valeur que pour d'autres. Leur striatum ventral a été observé par IRM fonctionnel et il s'avère que celui des plus réfractaires est moins réactif. Dans un second test, chaque participant s'est abstenu de fumer pendant les 12 heures précédant l'expérience, ayant consommé des substituts nicotiniques. Le fumeur cobaye n'est donc pas en manque lorsqu'il s'installe dans l'IRM fonctionnel et joue à des devinettes dans le but de gagner de l'argent. Il sait qu'il va devoir attendre la fin de la séance, soit 2 heures, avant d'avoir la possibilité de fumer. À la moitié de l'expérience, les chercheurs annoncent qu'il y a un problème et que les candidats pourront s'adonner à leur faiblesse toxique d'ici un quart d'heure pendant 50 minutes. Donc, ils se font dire pendant 50 minutes là que ça s'en vient dans 15 minutes. Bon. À la pause, sortis de la machine, fortement chatouillés par l'envie d'en fumer une, les fumeurs apprennent qu'ils pourraient gagner 1 $ toutes les 5 minutes écoulées sans tabac, soit donc un maximum de 10 $. Tous n'y arriveront pas. Ceux qui craquent présentent un striatum peu réactif à la récompense monétaire du jeu de devinette. Inversement, les sujets dont le cerveau répond activement à cette récompense réussiront à s'abstenir de fumer. Le fumeur vénal aura-t-il plus de chances de réussir son sevrage tabagique? Comme le souligne Stephen Wilson, ses résultats suggèrent qu'il serait envisageable de caractériser le fumeur et son striatum avant même son arrêt de tabac. Les médecins pourraient ainsi proposer un protocole de sevrage en parfaite adéquation avec la chimie neuronale de son patient. Mix and match, quelle technique est la meilleure selon ton cerveau? C'est génial. Et finalement, grimper sur les murs comme des geckos. Ça a l'air le fun, ça. Z-Man, c'est le nom du programme militaire de recherche aux États-Unis pour permettre à des soldats de franchir des murs sans avoir besoin d'échelles ni d'autres dispositifs encombrants. La DARPA, qui est l'agence qui finance ces travaux, vient d'annoncer un premier succès qui a été obtenu en 2012. Un petit peu de retard de leur part. Un homme avait réussi à grimper le long d'une paroi vitrée verticale avec des palettes mimant la patte ou les pattes des geckos. Évidemment, la science-fiction a inspiré des progrès technologiques et scientifiques depuis près d'un siècle. Et la DARPA, donc Defense Advanced Research Projects Agency, l'agence chargée des recherches de l'armée américaine, développe un programme depuis quelques années pour doter ses combattants de la possibilité de grimper sur les parois d'un immeuble comme le ferait Spider-Man. Il s'appelle donc Z-Man. À la base, les chercheurs de la DARPA se sont inspirés des geckos, des petits lézards tropicaux, qui ont la capacité de gambader sur des surfaces verticales et même sur les plafonds. En cherchant à comprendre comment les pattes des geckos peuvent se coller et se décoller à volonté, et ce jusqu'à plus de 10 fois par seconde, ils avaient déjà mis au point, il y a quelques années, un adhésif réversible révolutionnaire nommé Gexkin. Il est également composé d'un polymère très commun, le polydiméthylsiloxane, utilisé notamment dans les shampoings ou dans certains aliments. Une surface de seulement 40 cm² recouverte par cet adhésif permet de suspendre à une paroi verticale jusqu'à 317 kg. Le programme Z-Man s'est poursuivi et la DARPA vient d'annoncer officiellement qu'en février 2012, un homme avait réussi à grimper sur l'équivalent du mur en verre d'un immeuble grâce à 2 palettes d'escalade imitant le fonctionnement des pattes des geckos. Afin de permettre au grimpeur de ne pas tomber alors qu'il décollait une de ses palettes pour la recoller un peu plus haut, il a fallu s'assurer qu'elle permettait bien de supporter les forces de cisaillement parallèles à la surface verticale et les forces normales perpendiculaires à la surface exercées tout au long de la progression de l'utilisateur des palettes. Cette innovation pourrait avoir des applications bien plus pacifiques. Plus pacifiques que quoi, donc? Le fait que l'adhésif utilisé pour les palettes d'escalade permet de les coller et de les décoller sans difficulté à de nombreuses reprises ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie, les particuliers et même les médecins, puisqu'on dispose désormais de sortes d'autocollants résistants et réutilisables à l'infini. Oui, j'imagine plus pacifique que grimper sur une bâtisse pour s'introduire par effraction. Effraction, j'imagine que c'est ce qu'il voulait dire par là. Voilà pour Merci Science. Tout à l'heure, le bloc Geek CNX met avant ça. On continue avec une autre chanson de chiptune. Voici l'artiste Lucas Noah et Moral Mortal, The Quest for Reality. Vous écoutez NPS, le Mathieu Plante Show, c'est fou. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Thank you. Winter, encore Winter, c'est le même artiste que tantôt, la pièce s'appelle Happy Day. Vous êtes au Mathieu Plante Show et maintenant on parle de choses de geek, voici le segment Cynix. C'est le segment Geek Scénix où on parle des nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine. En fait, juste d'y aller avec des nouvelles un petit peu moins... En fait, je dis ça, mais la première, vous l'avez peut-être déjà vue en quelque part. Mais bon, j'essaie de ne pas aller dans des affaires trop populaires comme le nouveau Amazon Fire. Le téléphone, je me suis dit que tout le monde en avait parlé. Donc, commençons par les écrans LCD ronds, ovales ou de n'importe quelle forme. Le japonais Sharp a présenté une technologie permettant de concevoir des écrans à cristaux liquides qui ne sont plus rectangulaires, mais peuvent adopter n'importe quelle forme. Je cite Sharp, on peut créer des formes sophistiquées pour des objets portables avec un écran elliptique, par exemple, ou bien des écrans en forme de trois disques alignés qui combinent un compteur kilométrique et d'autres indicateurs pour les tableaux de bord d'automobile. Cette technique pourrait grandement intéresser les fabricants d'appareils mobiles et permettre ainsi la création de téléphones intelligents ovales. Celui qui fut le premier à industrialiser la production d'afficheurs LCD dans les années 70 explique que la fabrication d'écrans à cristaux liquides de forme libre est devenue possible grâce à la technologie IGZO, qui utilise des semi-conducteurs de plus petits d'oxyde d'indium, de gallium et de zinc. Cela offre non seulement une meilleure résolution, mais aussi la possibilité de déporter certaines fonctions électroniques des bords de l'écran vers l'ensemble de la surface. Je cite encore, « Ça permet de réduire considérablement la largeur minimale requise des côtés de l'écran. » et donc de créer des formes qui ne sont plus limitées à des rectangles. Donc, on promet une production en masse le plus vite possible. En impression 3D, maintenant, un petit robot qui peut imprimer une maison en béton. L'un des principaux défis dans le développement de l'impression 3D appliquée à l'architecture reste la question de l'échelle. Considérant les limites actuelles sur la taille des imprimantes 3D, l'Institut d'architecture avancée de Catalogne, l'AXI, a développé une famille de trois petits robots mobiles qui, ensemble, peuvent imprimer une structure de n'importe quelle taille. Ces trois robots travaillent l'un après l'autre. Le premier façonne la base, déposant une dizaine de couches de marbre artificiel. Le deuxième construit la coque et le reste de la structure. Enfin, le troisième, qu'on appelle l'aspirateur, renforce les différentes couches là où c'est nécessaire. Chaque robot est relié à des capteurs et un système de positionnement local qui se nourrissent des données en direct dans un logiciel personnalisé et qui permet à l'opérateur de contrôler le mouvement des robots. Allez voir la petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Maintenant, les Legos. Des Legos fusionnés entre la vie réelle et la vie virtuelle. Vous allez voir, c'est assez génial. Lego annonce Lego Fusion, une nouvelle gamme de 4 ensembles. La marque a réuni deux mondes qui jusque-là s'opposaient, donc le réel et le virtuel. Avec Lego Fusion, les constructions réelles avec de vraies briques se retrouvent dans un univers virtuel sur votre tablette, le tout synchronisé dans le nuage, le cloud Lego. Les nouvelles boîtes Lego Fusion contiennent environ 200 briques. Dans ces 200 briques, on retrouve des plaques intelligentes équipées de la technologie Qualcomm Vuforia. Ce sera la base de vos constructions. Ces plaques disposent d'un motif imprimé qui va permettre à l'application de les identifier. Elles agissent en définitive comme une passerelle entre les briques et votre tablette, donc iOS ou Android. Vos constructions sont ainsi ajoutées à un univers virtuel sur l'application gratuite Lego. Du reste, si on utilise le terme façade, c'est parce que ces constructions réelles sont plates sous la forme d'une devanture et l'application Lego va ensuite leur donner un corps en 3D. Donc, allez voir les renseignements, les informations là-dessus, les images sur assemblagerequis.com. Les constructions réalisées vont se retrouver ajoutées à votre monde Lego virtuel, du moins pour l'ensemble qu'on appelle le maître de la ville, où l'on construit sa ville bâtiment par bâtiment avant de se voir assigner des missions de gestion de sa ville un peu à la SimCity. La version Battle Towers permet, elle, de réaliser des tours médiévales qu'il faudra ensuite défendre. Donc, c'est un Tower Defense, les jeux classiques de Tower Defense, tout en améliorant régulièrement vos tours pour renforcer votre château. Voilà. Il y a aussi Create and Race. Il va falloir construire des voitures de course pour faire des courses. Hein? Les trois premiers ensembles Lego Fusion seront annoncés pour le mois d'août à un prix de 35$ environ. Un quatrième ensemble ancré dans la gamme Friends, Lego Friends, est attendu pour le mois de septembre. Les Lego qui évoluent, mais énormément. Hein? C'était bien beau les jeux vidéo Lego, le film Lego, mais là, les Lego en réalité virtuelle presque. Ensuite de ça, une équipe rassemblant des chercheurs de l'École Polytechnique de Montréal et du fabricant de verres anti-rayures Corning a réussi à intégrer des capteurs transparents dans un verre Gorilla installé sur de nombreux terminaux mobiles. La technologie qui s'appuie sur les ondes optiques laisse entrevoir un avenir proche où les surfaces tactiles en verre pourraient être aussi sensorielles. Une équipe formée de chercheurs de l'École polytechnique de Montréal et de Corning, le fabricant américain de verres anti-rayures, a implanté des capteurs transparents dans un verre Gorilla qui équipe de nombreux smartphones. Vous le savez, la plupart des appareils ont... une bonne grosse partie des appareils ont ça. C'est ce qui empêche les graffinures et quand tu l'échappes, ça casse un petit peu moins, selon certains fabricants. En l'occurrence, il s'agit d'un capteur de température et d'un autre permettant d'identifier le terminal, mais la technique permettrait d'autres applications. Le principe repose sur la photonique. Les chercheurs ont développé une technique de gravure au laser femtoseconde avec laquelle ils créent des guides d'ondes optiques qui canalisent les photons. Je cite, « Certains éléments électroniques pourraient être intégrés dans l'écran pour libérer de l'espace dans le smartphone. » On se comprend. Argumentent les chercheurs dans leur article publié par la revue Optics Infobase. Ce serait cool, le téléphone serait plus petit parce qu'il y aurait des pièces dans l'écran. Ensuite, j'étais rendu où même? Le verre Gorilla est le plus adapté à cette technique car il permet de réaliser les guides d'ondes juste sous la surface et dont la qualité est la meilleure connue pour du verre gravé au laser. Le second capteur transparent que les chercheurs ont créé permet à l'écran de s'identifier lorsqu'une lumière infrarouge est projetée sur sa surface. Le guide d'ondes joue en quelque sorte le rôle d'une empreinte digitale. Ce système pourrait servir à vérifier qu'un terminal n'est pas contrefait. Puisqu'il s'agit d'une structure en trois dimensions, les chercheurs estiment qu'il serait même possible de superposer ces guides d'ondes sans altérer la transparence du verre. Une telle technologie pourrait s'appliquer à bien d'autres domaines que les écrans tactiles des smartphones. N'importe quelle surface en verre pourrait intégrer ce type de capteur ou d'autres. Ouais. Ce qui ouvre la voie à une multitude d'applications. Qui plus est, le procédé de gravure est peu onéreux et rapide puisqu'il faut compter seulement une dizaine de secondes pour créer un guide d'ondes. Selon le professeur Raman Kashyap, spécialiste des systèmes photoniques qui pilote ce projet, cette technologie-là pourrait être industrialisable d'ici un an si elle obtient les soutiens nécessaires. Maintenant, dans le domaine des lunettes, un petit peu, c'est vraiment anodin complètement et même, je dirais, un article inutile de la part de la presse, mais bon, on s'y attend. Il y a un an ou deux, bien des hôtels se faisaient une fierté de mettre des tablettes à la disposition de leurs clients. La technologie est maintenant tellement adoptée qu'on offre maintenant des Google Glass. Ouais. L'Acme Hotel Company de Chicago se targue d'être le premier à avoir eu l'idée. Deux paires de Google Glass sont conservées à la réception et peuvent être réservées par les clients pour des périodes de 3 heures à la fois. Équipées d'une caméra, d'un micro et d'un accès à Internet, ces lunettes sont également offertes aux clients du Stanford Court Hotel de San Francisco qui a créé un forfait à leur nom. En plus d'une nuit à l'hôtel, une paire de lunettes est fournie au client qui reçoit à son arrivée un cours pour apprendre à utiliser l'appareil. N'importe quoi! Celle-là m'intéresse un petit peu plus, même si elle est aussi anodine. On ne présente plus Photoshop, nous dit le Huffington Post. Le nom du célèbre logiciel de retouche photo est entré dans le langage courant à tel point qu'on parle désormais de faire des images photoshopées. Hein? Sur son blog consacré à la photographie, le journaliste britannique de The Guardian... le journal britannique, voilà, The Guardian, répond à cette question. Et non pas The Guardian, comme disent les journalistes québécois. The Guardian, ça se dit pas. C'est The Guardian. La première image à avoir subi une retouche via Photoshop s'appelle Jennifer in Paradise. Il ne s'agit pas d'une œuvre d'art ni même d'un cliché connu, mais tout simplement d'une photo de vacances prise par John Knoll, sur laquelle on peut voir sa petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui sa femme, en train de se... Ça dit lézarder, j'essaie de trouver un mot plus connu. En train de s'asseoir les fesses dans le sable à Bora Bora. Voilà. Co-concepteur de Photoshop avec son frère à la fin des années 80. D'ailleurs, à l'époque, le nom du programme était Image Pro. John Knoll avait besoin d'une photo pour faire la démonstration de l'utilité de son logiciel auprès d'ingénieurs de chez Apple. Les images numériques étant rares à l'époque, le jeune homme a alors scanné une photo qu'il avait à portée de main, qu'il a ensuite appelée Jennifer in Paradise. Par la suite, raconte The Guardian, il a réutilisé régulièrement cette image dans le cadre de présentations et son logiciel a connu un succès mondial. Vous pouvez regarder la première démonstration de Photoshop ressuscitée par son créateur pour célébrer les 20 ans du logiciel sur assemblagerequis.com, bien sûr. David O'Reilly, c'est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais il est relativement connu dans le monde du jeu vidéo. Peut-être pas dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du cinéma. OK. Donc, c'est qu'il était au générique du film Her de Spike Jonze. C'est lui, la personne qui s'était occupée de concevoir le jeu vidéo avec lequel s'amuse le héros de Her. Jeu vidéo, je dirais plus système d'exploitation, mais bon. N'ayant encore jamais réalisé de véritable jeu, O'Reilly se lance finalement dans le grand bain avec son tout premier titre qui s'appelle Mountain. C'est un simulateur de montagne. Ouais, dans Mountain, je cite, vous êtes une montagne et vous faites ce que les montagnes font. Une partie de Mountain débute par une forme de questionnaire où vous devez dessiner ce qui vous inspire trois mots. On vous donne trois mots, vous dessinez ce que vous voulez avec ça. À partir de vos œuvres, le programme va se charger de générer une montagne pour vous. Ensuite, vous n'aurez qu'à jouer votre rôle de montagne et donc rester tranquille en observant la végétation pousser autour de vous et en subissant le climat, bien sûr, la pluie, la brume, la neige. O'Reilly insiste sur le fait qu'il est possible de bouger la caméra et de zoomer et dézoomer dans un titre qui recèle visiblement de nombreux secrets. Le créateur révèle qu'il est aussi possible de jouer des mélodies pour débloquer des choses dans le titre, comme par exemple faire tomber de la neige ou accélérer le temps. Dernière information, Mountain sortira dans les jours à venir sur PC, Mac et mobile pour environ 1$. Vous aurez droit à une cinquantaine d'heures de jeu. Deux journées complètes, si vous voulez ne pas dormir, voir vraiment l'évolution de votre montagne à travers le temps et les différentes situations météorologiques. Ça a l'air de quelque chose que tu vis, ça. Hein? Je sais pas s'il y a des achievements, quelque chose. En tout cas, avoir réussi à regarder l'écran sans... Tu sais, si tu avais une webcam, genre, il détecte que tu as vraiment fixé l'écran et tu n'as rien fait d'autre pendant que tu jouais. Parce que c'est le genre de jeu, on dirait qu'il me semble que tu peux faire deux, trois affaires en même temps. Et pour terminer, la plus grande collection de jeux vidéo du monde vendue pour 750 000 $. Un homme vient d'acheter la plus grande collection de jeux vidéo du monde pour 750 000 $, un trésor de 11 000 jeux vidéo. Michael Thomason était depuis l'an passé le propriétaire de la plus grande collection de jeux vidéo au monde, selon le Guinness Book of World Records. Il aura fallu 25 ans à Michael pour réunir tous ses jeux et consoles. Ce sont les obligations familiales qui ont poussé le collectionneur à se séparer de cette collection pharaonique à contre-cœur. Il fait une petite pin à sa blonde. Après ça, il dit « Il a bien fallu trouver de la place pour les films de Disney. » On dirait que c'est comme une pin. Puis je trouve qu'un couple où il y a des pins à l'intérieur n'est pas nécessairement voué à un énorme succès. C'est une collection en très bon état puisque 2600 jeux sont encore sous plastique dans leur emballage d'origine, ce qu'on appelle mint, et plus de 8300 sont encore dans leur boîte avec leur manuel d'instruction. C'est pas la première fois, et là, c'est là que ça tourne bizarre. C'est pas la première fois que Michael se sépare de ses collections. En 89, Thomason a vendu sa première collection pour réunir des fonds pour s'acheter une Sega Genesis. T'sais? En 98, il a remis ça pour financer son mariage. La collection a été mise en vente le 15 juin dernier sur le site d'enchères en ligne Game Gavel. L'inconnu qui a raflé la mise se cache derrière le pseudo Peeps 100-919-70. T'apprends pas de tes erreurs, dude bro. Hein? Tu collectionnes des jeux, tu dépenses des milliers de dollars parce que t'es de toute évidence un gars extrêmement riche. Ils sont encore neufs, ces jeux-là. Tu les revends pour t'acheter une console de jeu qui vaut quelques centaines de dollars. Donc, j'imagine que sa collection n'était peut-être pas aussi grosse que celle-là. Il a refait ça en 98 pour son mariage. Et là, il refait ça en 2014. Ben, ça dit jusqu'à l'année passée, donc sûrement fin 2013. Je sais pas, peut-être que t'es pas avec la bonne personne si la personne ne te laisse pas garder ta collection. Parce que c'est une passion. Puis d'après moi, il va refaire la même chose. En tout cas, bref, je te juge pas, là, mais je te trouve bizarre pareil. Voilà pour le segment Geek CNX. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur ce gars-là. On va voir l'article et les photos sur assemblagerequis.com. On termine notre première heure du Mathieu Plancheau ici. C'est vrai, on va revenir tantôt avec une deuxième heure qui comprendra bien sûr, bien évidemment, le segment What Web. On va faire un petit peu le tour du net. On va aussi avoir la série musicale Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. Ainsi que C'est un fait Tech Edition, tout ça dans la deuxième heure du Mathieu Plancheau. Restez avec nous sur C'est fou. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième partie d'émission, on va faire WoW at Web, il y a aussi C'est un fait Tech Edition, la série Double Trouble sur la musique de Donkey Kong Country 3. Mais avant d'embarquer avec du contenu et de terminer CNX, parce que j'ai oublié un bout de CNX tantôt, donc on va y aller avec une chanson de Nintendo Boy. Hein? Voici Plasma Rifles Are Fun sur C'est Fou 89 FM. Nintendo Boy et Plasma Rifles are the party. Toujours Mathieu Plancho. Tantôt, on était dans CNX et j'ai oublié de faire ce qu'on fait d'habitude à la fin de CNX. Voici bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés jeux vidéo pour la semaine du 22 au 28 juin 2014. Commençons par 3 Dead Zed sur le PC. C'est un jeu indépendant, il n'y a pas tellement de détails de plus. Mardi, c'est la grosse journée. Plants vs. Zombies Garden Warfare sort sur PC. C'est donc un jeu de Plants vs. Zombies, mais version Garden Warfare, faut croire. C'est coté 7 selon GameSpot. On tire sur des zombies, des plantes et de nouveaux personnages avec tout plein d'armes dans le monde de Plants vs. Zombies. Ensuite, je pense que c'est comme un dérivé, mais c'est pas dans le même genre de jeu, si je m'en rappelle bien. BlazBlue Chrono Phantasma sort sur PlayStation Vita. C'est le plus récent titre de la série BlazBlues, avec une nouvelle mécanique de bataille, un nouveau mode histoire, et ça continue l'histoire de BlazBlue Continuum Shift. Ça ajoute 5 nouveaux personnages jouables, 9,75 selon les utilisateurs de GameSpot. X-Blaze Code Embryo sort sur PS3 et PlayStation Vita. C'est coté 9,5 selon la communauté. Transformers Rise of the Dark Spark sort sur Xbox One, PS4, Xbox 360, PlayStation 3 et deux autres. Est-ce que je peux savoir sur quoi les autres? Wii U et PC. Voilà. Donc, c'est un jeu d'action-aventure où on choisit dans un groupe de 40 personnages jouables qui viennent de deux univers différents. Bref. Il y a aussi une version 3DS, mais qui n'est pas la même. RBI Baseball 14 sort sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu de baseball rétro, mis à jour avec des graphiques modernes. Et 30 équipes de la MLB, c'est coté 9 selon les utilisateurs de GameSpot. Company of Heroes 2, The Western Front Army sort sur PC. Zeron sort sur PlayStation Vita. Grid Auto Sport Limited Black Edition sort sur Xbox 360 et PlayStation 3. Atelier Rorola Plus The Alchemist of Ireland est coté 7 selon les utilisateurs de GameSpot, qui sort sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Farming Simulator 14, oui, simulateur de ferme sur 3DS et Vita, ça sort aussi aux États-Unis. Resogun Heroes sort sur PlayStation 4, c'est coté 8 selon GameSpot et 8,15 selon la communauté. Zen Pinball 2 Deadpool Pinball sort sur PlayStation 3, c'est coté 8,38 selon la communauté. Valiant Hearts The Great War sort sur PC, Xbox 360, PlayStation 4 et Xbox One. C'est ça, c'est un jeu de guerre, hein, probablement. C'est marqué The Great War, parce que ça raconte l'histoire des fois, parce que quand ça raconte l'histoire, je trouve pas ça super pertinent. Ça raconte l'histoire de 5 destinées, d'amour brisé dans un monde déchiré. Bon. Aussi, qu'est-ce qu'on retrouve jeudi? Shovel Knight sort sur Wii U et 3DS. C'est un jeu d'action-aventure. Avec, nous dit-on, des personnages mémorables et une esthétique 8-bit rétro créée par Yacht Club Games. Don Bradman Cricket 14 sort sur PC, un jeu de cricket. Je crois que ça c'est pas tellement pour un public nord-américain, mais quand même, ça sort aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est coté presque 9 selon la communauté de GameSpot. Quest for Infamy sort sur PC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aux États-Unis? Kokoro Line Defender sur 3DS. Et on s'en va ensuite au vendredi 27 juin. Sniper Elite 3 sort sur pas mal tout. En fait, PS4 et 3, Xbox One et 360 ainsi que PC. C'est une histoire de Deuxième Guerre mondiale qui continue l'histoire d'un sniper nommé Carl Fairburn. MechDroid sort sur PC, c'est coté 7 selon la communauté. C'est un shooter à troisième personne hybride, tower defense et stratégie en temps réel. C'est un mélange de plein de choses en même temps. Grid Auto Sport sort sur Xbox 360, PS3 et PC. Et c'est tout. Voilà. Le reste, c'est du Royaume-Uni et d'autres pays. Donc, allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Pendant qu'on parle un petit peu des jeux qui se vendent le plus au Japon en ce moment. Des fois, on parle des États-Unis, des fois, on parle de la France. Là, c'est les charts du Japon. Une fois n'est pas coutume, un jeu Wii U est en tête des meilleures ventes réalisées au Japon la semaine dernière. Le champion étant bien sûr Mario Kart 8 avec plus de 41 000 articles écoulés. Oui, sur un total approchant... doucement mais sûrement le demi-million des chiffres selon Interbrain. Je pense que je vais pas lire le texte, je trouve ça mal écrit. Allons-y avec le top 10. Il y a des jeux que vous connaîtrez pas là-dedans, c'est normal. Donc en 10e place, Thief sur PS3. En 9e, Card Fight Vanguard Lock on Victory sur 3DS. En 3e, One Piece Unlimited World R sur PlayStation Vita. En 7e, Thief sur PS4. En 6e, Winning Eleven 2014 Aoki Samurai No Chosen sur PS3. En 5e, One Piece Unlimited World R sur PlayStation 3. En 4e, Legend of Heroes Aono Kiseki Evolution sur PlayStation Vita. En 3e, Yo-Kai Watch sur 3DS. En 2e, Persona Q Shadow of the Labyrinth sur 3DS et en première place, c'est Mario Kart 8 sur la Wii U. Chez les consoles maintenant, 7e Xbox 360, 6e PSP, ensuite PS3, PS4, Wii U, 2e place PS Vita et première place Nintendo 3DS avec 26 575 ventes pour un total au complet sur de 15 672 564. Wow, c'est beaucoup de consoles tout ça. Voilà pour la fin du bloc CNX. Avant de continuer avec notre bloc WoW at Web, continuons avec une chanson de chiptune, c'est Motion Ride. Voici Korobeinki, Tetris Team, oui, le thème de Tetris. Motion Riley de Korobiniki Tetris Team Chiptune Punk pour le 30e anniversaire de Tetris. C'est un nom très compliqué, tout ça. Cover donc par Motion Ride. Allez le télécharger sur assemblagerequis.com. Maintenant, toujours Mathieu Plante Show, toujours dans le moment CNX de l'émission. Voici What Web. C'est What Web, le petit survol du net qu'on fait pas mal souvent ici au Mathieu Plante Show. Commençons par, évidemment, les effets de la conduite lorsque vous êtes en train de texter ou de jouer avec votre téléphone cellulaire. On essaie de vous décourager de faire ça. C'est difficile de porter attention à ce que vous faites si vous utilisez votre téléphone cellulaire, bien sûr. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Text and Drive, où on nous montre, en fait, je sais pas si c'est comment nous améliorer, mais c'est que le jeu est quand même assez amusant. C'est fait par Albert Lai. Text and Drive Friendship Never Dies, c'est un jeu de furteur, donc dans votre furteur Internet, Chrome ou peu importe, où vous conduisez tout en textant et en jouant à des jeux vidéo. C'est quand même assez simple comme technique. Il faut lire des messages textes, répondre à ça, faire un paquet d'affaires. Il y a une petite démo sur YouTube par Mike Rose. Allez voir ça. Et puis peut-être soit vous améliorer. Moi, je m'attendais à un jeu où à la fin, il allait avoir un accident provoqué, ou trop d'affaires en même temps à l'écran qui allait provoquer un accident pour vous montrer ce que ça donnerait si vous étiez vraiment dans un accident. Mais bon, Text and Drive, c'est gratuit. Et ça demande Unity Web Player pour pouvoir fonctionner. Ensuite, eh bien, on a beau être en 2014, des décennies, en fait trois décennies après la sortie de Super Mario Brothers, mais vous avez peut-être vu sur Internet que quelqu'un a réussi à trouver un nouveau glitch dans le jeu. Donc c'est le YouTuber Games Haya qui a posté ce glitch qui vous permet d'avoir des vies infinies. C'est quand même assez compliqué, tel que décrit par Retro Collect. Il faut premièrement amener, faut jouer à deux joueurs. Il faut amener le Mario du premier joueur au deuxième tableau du jeu, okay? Et gaspiller votre vie. Ensuite, quand Luigi prend la place, le joueur 2 doit traverser jusqu'au monde 5-2, donc au tableau 5-2, et trouver une liane cachée dans un bloc à un moment donné. Une fois rendu, il faut grimper sur la liane, mais il faut attendre et se faire tuer. Hein? Et quand ça va te faire frapper, le joueur 1 va reprendre le contrôle de Mario. Donc la liane du monde 5-2 va commencer à pousser dans le tableau 1-2 où le Mario était rendu. Parce que bon, Luigi était rendu à 5-2, mais Mario était encore à 1-2. Donc il faut botter ensuite les carapaces. En fait, ça, c'est les étapes vers la fin parce qu'il faut aussi avoir battu le jeu au complet. Parce qu'il faut que les Goombas soient rendus des carapaces, tu sais, des bonhommes à carapaces. Et ça arrive seulement quand tu as fait le tour du jeu une fois. Quand tu reviens, les ennemis sont plus difficiles à battre. Et les Goombas deviennent des carapaces. Donc voilà, allez voir la vidéo de comment ça se fait. C'est compliqué, ça vous donne des vies illimitées, un petit peu comme le truc de la tortue sur les escaliers de fin de tableau à un moment donné. Mais c'est ça, le but c'est pas de ramasser des vies, parce que ramasser des vies dans les jeux de Mario, c'est toujours assez facile. C'est juste de montrer qu'un glitch peut encore être découvert 30 ans après la sortie du jeu, c'est quelque chose. Des étudiants chinois jouent un petit peu les nerds. Je crois qu'ils étaient déjà nerds à la base, mais font encore plus, on dirait, battre le niveau acceptable de nerditude à l'université Shandong en Chine. Ils ont décidé de laisser faire leurs photos de graduation plates et ennuyantes, comme tout le monde a vu de la collation des grades ici même à l'UQTR, comment les photos peuvent toutes être plates, prises dans un cadre pas de fond, tu sais, genre... C'est tout le temps pareil, ces affaires-là, c'est aucunement original. Mais bon, on a décidé de faire un petit peu mieux que ça. Ils ont organisé des photos avec leur petit chapeau, leur petite robe et tout ça, toute la catégorie qui va avec, mais en imitant des affiches de films, de jeux vidéo, d'émissions de télé. Ils ont même ajouté des accessoires, comme des débouches-toilettes, des râteaux, etc., à la place des armes. C'est vraiment très, très cool. Comme ici, on voit... ça, c'est... c'est lequel, ce film? C'est-tu Iron Man 2? Pas partout. En tout cas, bref, Thor, quelque chose? En tout cas, bref, et là, on les voit avec un débouche-toilette dans la main à la place du gros marteau. Il y en a tout plein d'autres, Captain America, entre autres, Sherlock, la série télé. Donc, quand même, on est allé avec des affaires, des fois, pas aussi mainstream. Big Bang Theory, bien sûr. Et là, tout le monde a quand même son chapeau, a quand même sa robe, mais ils sont juste dans les mêmes positions avec, tu sais, les mêmes manières de bouger que dans les originaux. C'est cool! Ensuite... ouais, les extraits sonores hein, que j'ai tendance à jamais préparer à l'avance, hein, parce que je suis jamais prévoyant. Darth Vader, dans le Star Wars, le premier Star Wars qui est sorti, évidemment dit « I am your father ». Il y a quelqu'un qui a réussi à combiner toutes les versions. On va réécouter ça depuis le début, s'il vous plaît. On va entendre la voix de James Earl Jones pour la version en anglais. No, I am your father, qui est évidemment non pas Luke, I am your father. Là, il n'a jamais dit ça dans le film. Alors en espagnol. Soy tu padre. Now, you sociopathe. Non. Tu sais que l'effet n'est pas le même, l'effet de la voix. Ich bin dein Vater. Il est toujours là méchant en allemand. Je suis ton père. Ouh. Non. Et il y a aussi le nom des acteurs. Massimo Foschi. Non. Non, je suis ton père. Non. Yo soy tu padre. Il y a aussi plusieurs fois la même langue, des fois, parce qu'ils vont prendre différentes versions, que ce soit la version sur cassette vidéo, des fois peut-être la version DVD ou la version en cinéma, parce que les doublages ont été refaits à certains moments. J'imagine qu'il y a des doublages qui étaient moins bons que d'autres à l'origine, donc ils sont forcés pour pour ressortir le film sur DVD. Donc, c'est ça, c'est vraiment très bien fait, c'est disponible sur YouTube, donc allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, toujours dans le domaine des... Il y en a vraiment plus long que ça. On est quand même rendu aux deux tiers seulement. Allons-y avec un robot humoriste. Oui, un robot humoriste qui est supposé faire rire les gens. C'est une équipe de recherche à Waseda University au Japon qui a créé ça. Ils lui ont enseigné comment être drôle. Konnichiwa, boku, kobian desu. Est-ce qu'il y a la traduction? Pas la traduction. Hito ni kobiru kara, kobian, yutemasu. Il y a quelques petites explications en bas. Le sketch s'appelle Surprise Masuo. Laisse faire aller les jambes. Pas de surprise, exercice. Okay. Bouge ta jambe droite par en avant, ensuite ta gauche par en avant. Tu sais maintenant marcher. Pas de surprise, exercice. Ah, mon muscle abdominal. Ah, les muscles. Différentes sortes de muscles. Si tu les entraînes tous, toi aussi, tu auras le corps parfait. Son rire est trop réaliste comparé au reste de son discours. Je sais pas, celui-là me laisse un petit peu, pas perplexe, mais presque inconfortable. Malaise avec ce robot-là. Donc, c'est ça, c'est pour montrer au... On lui a enseigné comment être drôle. Mais c'est à la place qui était peurant. Hein? Bon. Donc, allez voir aussi sur le site la petite vidéo de ça. Ensuite, ah, tiens, le site usetorpedo.com, usetorpedo.com, c'est du partage de fichiers à court terme. Donc, vous pouvez partager des fichiers, des mots de passe, n'importe quoi d'autre, avec des liens privés qui vont s'auto-détruire. On peut télécharger l'application sur le Mac App Store. En fait, l'application Mac directement, je crois, mais bon, peu importe. Pourquoi à court terme? Ben, ça nous dit sur le site usetorpedo.com qu'on laisserait pas des paquets importants à l'extérieur de sa maison trop longtemps. Donc, pourquoi laisser vos fichiers pour toujours dans le nuage? Les liens de partage de Torpedo s'auto-détruisent aussitôt que le fichier a été téléchargé. Donc, on peut draguer n'importe quel fichier vers la barre de menu sur le Mac. On choisit 48 heures ou encore un seul téléchargement. Torpedo va automatiquement copier le lien vers votre presse papier pour pouvoir coller, dans le fond, le lien dans un courriel. Vous pouvez envoyer des secrets, des mots de passe, des numéros de carte de crédit, d'autres informations très privées. En sécurité. On dit que les données sont encryptées, peuvent seulement être décryptées lorsque vues avec le lien privé qu'on envoie. Tout ça va être parfaitement sécuritaire, même si le courriel de quelqu'un était hacké ou que leur téléphone intelligent était volé. On peut y accéder de n'importe où, donc si vous n'êtes pas sur votre Mac, vous pouvez envoyer vos fichiers via le site de Torpedo et vous allez pouvoir aussi voir tous vos liens et les détruire si vous avez besoin de les détruire. Voilà. Donc c'est usetorpedo.com. Il y a aussi find.io, fnd.io. Donc, je répète une dernière fois, fnd.io. C'est l'expérience du App Store et de l'iTunes Store n'importe où. Donc, disons que je vais taper Chrome. C'est un moteur de recherche, finalement. Donc, je vais taper Chrome, faire chercher. Et ça va chercher dans tous les domaines, donc soit application, musique, film, télé, livre, Mac et podcast, balado diffusion. Et ça va vous donner des liens vers les différents App Store d'Apple. Tu sais comment c'est difficile des fois quand tu veux chercher une application. Il faut que tu ailles absolument dans le iTunes Store pour chercher pour ton iPhone et ton iPad. Il faut que tu ailles sur le Mac App Store pour chercher pour le Mac. Il y a beaucoup de façons différentes. Pour les livres, entre autres, sur l'iPhone, il faut que tu ailles dans l'application livre. Donc ici, il y a un enjeu de recherche pour tout ce qui est Apple. Et c'est divisé par catégorie. Et tu peux chercher seulement dans une catégorie à la fois ou encore avoir tes résultats pour toutes les catégories, mais séparés une après l'autre. C'est très, très bien fait. Vous pouvez donc télécharger. Il y a les liens vers le App Store approprié. Et c'est bien fait. Ça vous dit le prix aussi. Donc, pour bien chercher, il y a plein de petites fonctionnalités cool. Et il y a même un palmarès. des différentes applications les plus populaires sur iPhone, toutes les catégories, dans le fond. Vous pouvez chercher par celles qui sont gratuites, celles qui ont fait le plus d'argent. Donc, c'est fnd.io. Ensuite, il y a une application qui s'appelle Fartcode qui va évaluer votre nourriture par rapport à sa puissance de pet. Donc, c'est Fartcode. Une fois qu'on démarre cette application-là, on utilise son téléphone pour scanner le code d'une nourriture de votre choix. L'application va vérifier ses ingrédients individuellement et va utiliser un algorithme pour déterminer comment le degré de toxicité, si on veut, de votre pet basé sur les ingrédients. C'est tout ce qu'il y a de plus mature. Disponible sur iOS, on peut télécharger gratuitement en visitant assemblagerequis.com. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ils ont scanné le code barre de bretzel couvert de chocolat. Donc, ça dit toxique, puant. Et c'est le fartometer qui dit ça, c'est toxique et puant. À cause du lait, du beurre et de la carbonisation. Est-ce qu'on dit carbonant? Du niveau de bulles et de pétillants qu'il y a dedans. Vous pouvez texter le pet à quelqu'un ou encore rescanner. C'est magnifique. Pour ceux qui attendent l'iPhone 6, entre guillemets, potentiel iPhone 6 avec grande impatience, vous pouvez maintenant télécharger pour 25$ les plans en 3D pour faire imprimer votre propre modèle du designer Martin Agic qui lui devine, évidemment, par rapport au... aux prototypes d'étui qui ont fuité sur Internet. Donc, lui, il s'est servi de ça pour faire des plans en 3D qu'il vend à 25$. Donc, allez vous procurer ça. Disponible chez Turbo Squid, ça inclut un fichier STL pour imprimer en 3D. Il y a un fichier .3DS et un .obj pour le modèle. Donc, si vous êtes intéressé par ça, allez-y. Je vous empêcherai certainement pas. La ville de New York photographie à l'aide d'une Game Boy Camera en 2000. Donc, en 2000, quelqu'un jouait avec une Game Boy Camera. Ça, c'est la caméra qu'on pouvait acheter individuellement à part de la Game Boy classique et qui permettait de faire des photos en noir et blanc sur des petits timbres. Environ, on pouvait coller ça un petit peu partout sur des petits autocollants. C'était vraiment cool. Il y a même, c'est qui? C'est Bob Dylan. Je pense qu'il a fait une pochette d'album avec une Game Boy Camera. Donc, le gars, sur le site ironicsense.com, a retrouvé des photos qu'il avait prises de New York en 2000. Donc, il décide de les partager. Mise à l'échelle de 200% pour voir mieux sur les écrans modernes. Parce que c'est ça, c'était vraiment minuscule, les photos de la Game Boy Camera. Donc, allez voir les photos de Rockefeller Plaza, la New York Public Library et des statues, des trucs comme ça, une pointe de pizza. Il a pris beaucoup de photos et pour vrai, moi, j'aime beaucoup le style de la Game Boy Camera. C'est très, très minimaliste. Maintenant, si vous aimez Super Mario 64, okay, le jeu sur Nintendo 64 ou des jeux de plateforme comme ça, mais que vous trouviez qu'à la place de jouer Mario, ça aurait été plus fun si tu avais pu jouer la caméra, hein? Ben, c'est à peu près ce qui se passe dans un jeu qui est pour Oculus Rift. Donc ça, c'est les lunettes qu'on porte sur sa tête et qui permettent de vivre à l'intérieur du jeu. Donc c'était à l'E3, la foire de jeux vidéo. Ils ont essayé, ils ont montré un nouveau jeu pour Oculus Rift qui s'appelle Lucky's Tale. C'est plus ou moins un jeu de plateforme en 3D à la Mario 64, où ton personnage est un renard qui s'appelle Lucky, et lui, il va se promener dans le monde en brisant des boîtes, en pilant sur des ennemis, en ramassant des étoiles. La twist là-dedans, c'est que ta tête est, dans le fond, au-dessus de Lucky. Et faire bouger la caméra, dans le fond, est avec ta tête. Donc, pareil comme une caméra le ferait dans la vraie vie, dans un vrai jeu de plateforme, sauf que tu peux vraiment monter et descendre un petit peu partout. Allez voir la vidéo, c'est Lucky's Tale. C'est vraiment très, très cool. C'était créé par le créateur de Words with Friends, Paul Bettner, et son studio Playful Corp. Ça va être exclusif à la Oculus Rift. C'est fait vraiment pour être en réalité virtuelle seulement. Et même, on voit ici, bon, il nous montre sur des écrans d'ordinateur. En fait, je crois que c'est un écran. Ce que la personne voit à travers les lunettes et même l'écran titre avec le logo Lucky Estelle, peut-être tu peux bouger ta tête pour voir le logo d'un petit peu partout. Et le gars doit se pencher vraiment beaucoup pour avancer, pour descendre la caméra. C'est vraiment cool. C'est un concept pour l'instant. En tout cas, c'est pour l'instant, je pense pas que le jeu est complété. Il faut bouger sa tête de façon créative pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, un jeu je dirais que c'est comme troisième personne. Je sais pas trop quoi. Enfin, c'est cool. Lucky Steel. Voilà. Ensuite, c'est une bonne idée, je trouve. Copier-coller du texte sur Internet, c'est pratique. On vivrait pas sans cette option-là. Mais copier-coller du texte qui vient d'une image, c'est quelque chose qui n'était pas encore possible jusqu'au projet NAFTA, où on peut surligner, copier et traduire du texte de n'importe quelle image. Ça va appliquer des algorithmes sophistiqués à la fine pointe à chaque image que tu vois pendant que tu vas sur Internet. Donc, le résultat est une expérience, nous dit-on, intuitive et facile à comprendre. On peut souligner, copier, coller, éditer et traduire du texte qui était avant dans une image. Donc, on peut présentement l'ajouter à Google Chrome. C'est déjà fait dans mon cas. Et tu peux, après ça, dans les images, vraiment, avec ta souris, draguer et sélectionner un bout de texte. Le texte va se surligner en bleu comme on s'y attendrait. Ensuite, tu peux faire copier. Et là, je suis en train de coller sur ma barre de texte. Et ça fait ça avec à peu près n'importe quelle image. Et en dessous du site, dont je vais vous dire l'adresse dans deux petits instants, projectnapta.com, N-A-P-T-H-A, Project N-A-P-T-H-A. On nous montre des photos trouvées sur Internet, des GIFs animés, n'importe quoi. Et on peut en effet prendre le texte dedans. Ça fonctionne même avec des bandes dessinées. Et là, il y a tout plein d'explications pour ça. Allez voir sur assemblagerequis.com. Je trouve que c'est une des meilleures idées que j'ai vues jusqu'à maintenant. Project Napta. Je trouve ça un petit peu étrange. C'est une compagnie de production sonore et leur site web est seulement auditif. Vraiment cool, hein? Donc, si vous êtes une compagnie de production audio, vous voulez montrer évidemment le travail que vous faites à l'audio et quelle meilleure façon de faire ça qu'un site web qui n'est que son, aucune image. Donc, on va arrêter notre superbe fond WoWat Web et on va écouter le son qu'on retrouve sur Croatia Audio. Hold on a second while the site loads. Attendez, par là, okay, que ça se charge. Ready. D'accord, il est prêt. This is Croatia's website. Bienvenue sur le site de Croatia. Production company, so here you won't find any images, une compagnie de production sonore dont vous ne trouverez pas de vidéos, de textes, de blogs. Vous n'allez qu'écouter du son. Parce que le son, c'est ce qu'on fait. Voici comment ça fonctionne. Je vous donne les options et vous choisissez quoi écouter. Faisons un test. Il faut permettre votre micro en appuyant sur autoriser. Et le bouton autoriser s'affiche. J'ai pas de micro. Say drums. Or guitar. Dites batterie ou guitare. Et là, évidemment, ça m'écoute et j'ai pas de micro, donc je peux pas dire batterie ou guitare. Ah, c'est plate parce que j'ai pas de micro, il a fallu que je le fasse sur mon portable. Mais vous comprenez le principe, la page est complètement blanche. C'est C-R-O-A-C-I-A audio.com. Moi, je suis vraiment impressionné que ça te dise accepter le micro et qu'instantanément, la boîte pour accepter le micro arrive. Pour vrai, je trouve que c'est bien fait. Donc, c'est une agence brésilienne, Loduca, qui a construit ce site-là. Pour Croatia Audio, c'est une expérience via Chrome, donc ça fonctionne seulement dans le furteur Chrome de Google. Et c'est un très bon concept. Ça peut être fatigant de naviguer par son micro. Je pense que les compagnies essaient de nous forcer avec Siri sur l'iPhone et un paquet d'autres personnages comme ça. D'utiliser notre voix, et c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Moi, je sais que j'utiliserai probablement jamais ma voix. Je préfère de loin taper quelque chose ou sélectionner des boutons. Mais bref, allez voir ça sur le site, comme toujours. Ça, là, ça c'est une autre bonne idée. J'aime beaucoup le segment WoWat Web parce que ça me fait découvrir plein de choses. Il y a un jeu où tu joues un chat à la première personne qui ramasse de l'argent sur Kickstarter. C'est pas génial, ça? Hein, ben oui. Donc, le simulateur de chat Cat Lateral Damage est arrivé sur Kickstarter la semaine passée et on essaie d'amener le jeu sur Linux, Mac, PC. Ils ont déjà ramassé plus de 13 000 $ en date de l'article avec un but de 40 000 $. Je vais vous dire dans quelques instants où ils sont rendus en temps réel pour nous le lundi. 23 juin, ils sont rendus à 37 000 presque sur 40 000, donc avec 18 jours restants, c'est sûr qu'ils vont se rendre. Dans ce jeu, les joueurs prennent le rôle d'un chat bien normal, un chat de maison, dont le but est d'envoyer des trucs par terre. Donc le chat va monter sur des étagères, sur des tablettes, et va sacrer des affaires à terre, un peu comme un vrai chat. Ce matin, j'ai trouvé, moi personnellement, Mathieu Plante, mon verre d'eau, à peu près un tiers à l'extérieur de ma table de mon bureau dans la chambre, alors que d'habitude, je le mets vraiment au milieu. Tu sais, genre, il était comme au tiers de ta terre. Genre, il était proche de tomber par terre, mon verre. C'est ce que je voulais dire. Et ça, je ferais jamais ça. Donc, je suis pas mal sûr que c'est mon chat qui a fait ça. Donc, c'est ça. C'est un concept très original, très expérimental. C'est né de ce qu'on appelle un game jam l'an passé, où les gens devaient créer un jeu vidéo dans le moins de temps possible. Le créateur Chris Chung, sur la page Kickstarter, dit que c'est basé sur son vrai chat dans la vraie vie. Donc, puis essayer le jeu gratuitement, en ce moment même. En allant sur assemblagerequis.com, catlateraldamage.com est l'adresse directe. Le meilleur nouveau sport du moment, probablement un jeu qui va s'amener aux Olympiques d'été bientôt. Après le lancer du marteau, du javelot, hein, ça c'est vraiment trop rétro, là, on est quand même rendu dans les années 2000. Donc une compagnie de technologie nommée Speedlink Japan a fait ce qu'on appelle les Engineer Olympic Games à Tokyo. Et le but de la compétition était vraiment d'être plus récent et plus technologique. Et il y avait comme événement le Server Toss. Le Server Toss. Donc, on demandait à différents ingénieurs de différentes compagnies de compétitionner dans des événements athlétiques. Et le Server Toss était une de ces activités-là. Les ingénieurs essayaient de voir jusqu'où ils pouvaient lancer des serveurs, des ordinateurs de serveurs, entre 20 et 30 kg de poids pour chaque, pour essayer de le lancer le plus loin possible. Chaque serveur coûte environ 5 000 $. Hein? Mais c'est des serveurs qui ne pouvaient plus être utilisés, donc c'était des serveurs périmés. Et on les jette comme ça, hein, pourquoi pas. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le site de tous ces lancers, un après l'autre. Maintenant, celui-là, comment l'expliquer? En fait, tu sais, les Goal Trackers, il y a plusieurs applications sur le App Store qui essaient de vous convaincre de vous rendre jusqu'à vos buts. Tu sais, vous encourager, vous donner un petit nanane, peut-être des points ou des trucs comme ça. Mais l'application Go Fucking Do It est un petit peu différente. C'est que ça va suivre vos buts. Début tâche par tâche, par exemple. Mais si vous ratez votre coup ou que vous abandonnez, vous trouvez une raison de ne pas le faire, ça va vous demander de payer de l'argent. Hein? Et la pénalité, c'est toi qui la décides à la base. Donc, certains exemples sur le site. Par exemple, tu pourrais écrire « Bon, je vais surprendre ma copine à chaque jour. Donc, lui faire une surprise à tous les jours. Sinon, je vais payer 100 $. Ou encore, je vais organiser ma vie. Sinon, je vais payer 50 $. Et là, tu peux appliquer ça à absolument n'importe quoi, que ce soit écrire un livre, vider le garage, se trouver un nouvel emploi, peu importe. Et tes buts doivent être simples, donc un seul but par point. Des choses atteignables et non pas des trucs vagues comme, mettons, gagner à la loterie, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment toi qui décides de ton but et qui décide de la deadline, donc la date de tomber, si on veut. Et tu dis au service combien d'argent tu vas vouloir payer. Et tu entres après ça un superviseur, donc la personne que le service à qui le service va demander si tu as réussi ton but. Parce que c'est pas toi, évidemment, qui va dire « je l'ai accepté, j'ai réussi mon but ». Faut que tu aies un endosseur. Une fois que la date limite est passée, ton superviseur reçoit un courriel. Et s'ils disent que tu as complété ton but, alors tout est correct. Si tu manques à ton but, tu es chargé sur ta carte de crédit le montant que tu as mis. Si, évidemment, la personne qui te supervise est honnête et objective, sinon ça déferait un petit peu l'objectif de la chose. Mais à l'ultime, si tu approches cette idée-là de façon honnête, ça pourrait t'encourager à peut-être mettre de l'argent de côté, des trucs comme ça, tu sais, ramasser de l'argent. Donc, allez voir Go Fucking Do It. C'est le nom de l'application sur gofuckingdoit.com. Super simple. Encore une fois, ramasser des données à son propre sujet, c'est très à la mode en ce moment. Donc, quand les gens sont allés à la ACM Conference on Human Factors in Computing à Toronto, quand ils sont allés aux toilettes, ils ont trouvé une pancarte qui leur disait que le comportement de ces toilettes-là était enregistré pour une analyse ultérieure. Accédez à vos données en direct via quantifiedtoilets.com. Si on visitait le site web de quantifiedtoilets.com, avec le slogan « Nous capturons votre comportement de toilette pour trouver les données en temps réel et analyser votre santé », quelque chose comme ça. Ils ont trouvé un feed en direct qui fournissait des données sur la toilette alors que les dépôts étaient faits. Des dépôts, on se comprend ce que ça veut dire, un dépôt. Donc l'information, entre autres, c'était combien avait été déposé dans le compte, si des drogues avaient été détectées, des drogues ou des médicaments, d'autres informations sur la biologie, des trucs comme ça, par exemple les grossesses, les infections, le niveau d'alcool dans le sang, le genre, donc masculin, féminin, de la personne qui a fait son dépôt dans le compte, et même l'odeur, si elle était neutre, sulfurique ou acide. Le site explique qu'ils analysent les déchets pour rendre la... Attends un peu. Waste process of buildings to make better spaces and happier people. Ils utilisent ces données-là pour... Ah oui, c'est ça. C'est pour encourager, ben pas encourager, mais dire aux équipes de nettoyage, peut-être d'améliorer leur horaire, à quel moment de la journée on devrait nettoyer les toilettes, informer les municipalités de l'usage de leurs ressources, l'eau entre autres, et aider les bâtiments et les villes à donner de meilleurs services pour avoir des clients, une clientèle plus en santé et plus heureuse. Donc, les toilettes intelligentes, c'est rendu une vraie chose, selon, ici, c'est museumofvoxels.com, mais c'est ça. Donc, attends un peu, j'essaie de voir si c'est vrai ou pas. Quantifiedtoilettes.com. Ah, c'est ça. Mais merci de me faire rendre compte moi-même qu'il fallait que je lise l'article jusqu'à la fin. J'avais lu seulement le début. Les toilettes intelligentes existent pour vrai. Donc, en 2009, la compagnie Toto avait révélé l'Intelligence Toilet 2, qui pouvait performer une urine analyse à la maison, permettant aux gens de surveiller leurs problèmes de santé. Par contre, tout ça, finalement, n'est qu'une attrape du Critical Making Hackathon. C'est justement pour faire que les gens se rendent compte que c'est pas tout ce qu'on lit sur Internet qui est vrai. Donc, ceux qui essayaient quantifiedtoilets.com recevaient une auto-réponse leur informant que, bon, comme vous avez peut-être compris, Quantified Toilets est en fait une fausse compagnie et toutes les données étaient également fausses. C'était une expérience de pensée au CHI en 2014, fait pour engendrer des pensées ou de critical thinking, donc vraiment penser de façon plus critique par rapport aux problèmes de surveillance de données et de vie privée. Avec tous les problèmes de vie privée qu'il y a aux États-Unis en ce moment, donc on se disait comment rendre ça le plus drôle possible. Donc, c'est ça, il y a un article de TheAtlantic.com qui s'appelle « What a toilet hoax can tell us about the future of surveillance? » Qu'est-ce qu'une attrape de toilette peut nous dire sur le futur de la surveillance? Allez lire ça sur assemblagedehockey.com. Je pense que je vais devoir le faire parce qu'en effet, je me suis fait avoir comme un imbécile. Devenez Paperboy. Le jeu vidéo vintage maintenant recréé pour l'Oculus Rift. On a parlé tantôt d'Oculus Rift, les lunettes de réalité virtuelle. Maintenant, on peut jouer à Paperboy, pareil comme dans le jeu des années 80. Donc, c'est Paper Dude VR, qui est un projet présenté au Computer Human Interaction Conference à Toronto. Oh merde! CHI, c'est le même événement qu'on vient juste de parler avec l'affaire qui était une attrape finalement. Mais bon, donc bref, c'est un hommage au jeu de 1984 en arcade où les joueurs se promènent à vélo pour livrer le journal et ramassent des points en évitant les obstacles et en livrant les journaux. Le projet de recherche demande aux joueurs d'utiliser le Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle, alors qu'ils sont assis dans la vraie vie sur un vélo. Et un sensor de la Kinect de Xbox, de la console Xbox de Microsoft, surveille le corps et analyse tout ça, génère des bras virtuels dans le jeu. La roue arrière du vélo a été enlevée dans la vraie vie. Et le vélo est connecté à ce qu'on appelle un Wahoo Kicker, qui lui surveille la vitesse à laquelle vous pédalez. L'information est amenée dans l'ordinateur qui ajuste la vitesse du personnage dans le jeu. Évidemment, plus tu pédales vite, plus il va avancer vite dans le jeu. Pour la démonstration, certaines fonctionnalités du Kicker ont été désactivées, mais avec tout ce qui serait activé, le Kicker pourrait aussi augmenter la résistance du vélo pour que tu aies plus de difficulté à monter, par exemple, sur une côte, etc. C'est vraiment super cool. Allez voir la vidéo sur le site assemblagehockey.com. On va devoir arrêter bientôt, mais je voulais parler de celui-là, une police de caractère en crowdsourcing de milliers de caractères écrits à la main. On a réussi à faire une police qui est comme une moyenne de tout ça. C'est le fabricant de stylos et de crayons Bic qui a demandé à l'agence allemande, à une agence allemande, de créer ce qu'on appelle la Universal Typeface Experiment. Donc, on a ramassé la main d'écriture de l'alphabet latin de tous ceux qui étaient prêts à la dessiner. Le résultat va être une police téléchargeable. On va faire la moyenne de tout ça. On va faire une police téléchargeable qui va représenter les contributions de tout le monde en même temps. Pendant ce moment, on peut regarder les lettres sur assemblagehockey.com, bien sûr. Là, des gens qui ont déjà dessiné leur phrase clé. Tout ça est divisé en démographie, par industrie, par genre, masculin, féminin, par est-ce qu'ils sont gauchers, est-ce qu'ils sont droitiers, etc. Il y a plein de facteurs qu'on peut, diviser ça là-dedans. La lettre moyenne a l'air assez normale en général. C'est pas parfait, mais c'est quand même des lettres qui ont l'air vraies. Vous allez pouvoir télécharger la police dans le mois d'août. Voilà. C'est tout pour WoW at Web. On va être rendu à notre prochain bloc. C'est notre célèbre bloc Double Trouble où on écoute la trame sonore de Donkey Kong Country 3. Bien sûr, depuis le début de l'été. Double Trouble est le titre du 36e album édité par le site Overclocked Remix. Je le dis à chaque semaine, mais ça vaut la peine d'être répété. Celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 1996, et celle de la réédition qui s'appelait simplement Donkey Kong Country 3, qui est sortie un petit peu plus tard, en 2005, en fait pas mal plus tard, qui comprenait une toute nouvelle trame sonore. La compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Erlin Novakovic et David Wise dans une grande variété de styles. L'album a été majoritairement fait par les fans pour les fans, mais contient aussi de nombreux nouveaux arrangements et des performances instrumentales par M. David Wise lui-même. On est rendu à la fin du premier disque de 5. Il nous reste les pièces 19 et 20 à entendre. Je vous dis déjà tout de suite, pas la semaine prochaine, mais l'autre après. On va faire un spécial pour essayer de clencher un petit peu plus cette série-là. Ça va être une édition particulièrement spéciale du Mathieu Plante Show. Ça s'en vient dans deux semaines. Pour l'instant, on écoute l'artiste Ergo Sonic. Voici Cliffside Chamber Rockface Rumble. Ça sera suivi de Prophetic, les deux dernières pièces du premier CD de Double Trouble au Mathieu Plante Show. êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Prophetic est la pièce Mojo Gogo Jingle Bells, précédée de Cliffside Clamor Rock Face Rumble par Ergo Sonics. Deux pièces de Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la compilation de 5 disques sur dkc3.ocremix.org et les précédentes compilations Kong in Concert et Serious Monkey Business sont disponibles sur assemblagerequis.com. De toujours Mathieu Planchot, maintenant on se dépêche. Voici cette fête Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, Tech Edition, c'est la sœur de C'est un fait, mais on parle de technologie, bien sûr. Commençons avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Commençons par le 16 juin. En 1911, la Tabulating Company, fondée par Herman Hollerith, la Computing Scale Company et l'International Time Recording Company ont fusionné pour former Computing Tabulating Recording Company à Endicott, New York. Ils ont plus tard changé de nom à la compagnie pour devenir International Business Machines et plus tard, c'est devenu IBM en 1911, donc. 1977, le Software Development Laboratories a été incorporé à Redwood Shores en Californie par Larry Ellison, Bob Miner et Ed Oates. Plus tard, ils ont trouvé un autre nom, pas mal plus catchy, qui était Oracle. 17 juin 1936, Edwin Armstrong a présenté la radio FM au quartier généraux de la FCC. Armstrong a joué une chanson de jazz, en fait un disque de jazz sur les ondes radio AM normales, conventionnelles. Ensuite, il a changé pour une diffusion en FM. Et il disait, je cite, « Si un public de 50 ingénieurs avait fermé ses yeux, alors ils auraient cru qu'un groupe de jazz était directement dans la même pièce qu'eux. » Tellement le son était parfait sur le FM par rapport au AM. En 1946, c'est le premier rappel téléphonique sur un téléphone mobile a été fait dans une voiture à Saint-Louis dans le Missouri. 18 juin 2002, Kevin Warwick enlève sa puce à l'intérieur de son corps. Warwick avait implanté une puce plus tôt cette année-là pour faire des expériences d'interactivité entre l'humain et l'ordinateur. Une connexion directe qu'il avait avec sa femme. 19 juin 2003, Apple sort le Dock Connector to USB 2.0 Cable. Donc, c'est un câble qui faisait la conversion entre, de Dock Connector à USB, alors que avant ça, c'était des FireWire sur les précédents Apple. Les précédents iPod. Voyons, qu'est-ce que je dis là? iPod. Enfin, donc, ils ont sorti les câbles et tout ça pour la troisième génération de iPod avec un fil USB. Voilà. Dans le fond, le dock connector existait déjà sur le iPod, mais ça menait vers un fil FireWire. On se comprend? 20 juin 1840, Samuel F.B. Morse reçoit un brevet américain pour, je cite, « amélioration au mode de communiquer de l'information par signaux via l'application d'électromagnétisme. » Plus tard, on a commencé à appeler ça le code Morse pour Samuel F.B. Morse. En 2003, la fondation Wikimedia a été fondée à Saint-Pétersbourg, en Floride, par Jimmy Wales. C'est ce qui gérait tous les projets de Wiki, comme Wikipédia. On saute au 22 juin 1675, où le roi Charles II de la Bretagne établit un observatoire à Greenwich pour déterminer la longitude précise pour pouvoir aider lors de la navigation. Ça a mené plus tard à ce que Greenwich devienne ou soit marqué comme le Prime Meridian, donc ce qui est devenu plus tard le Greenwich Mean Time, c'est l'heure zéro, à partir de laquelle tout est basé pour les heures. En 1999, la première démonstration de rats vivants qui contrôlaient directement un bras robotisé avec leur pensée. Ça a été publié dans Nature Neuroscience en 1999. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Regardons un petit peu les consoles, les faits sur les consoles maintenant. Vous vous rappelez le fusil de la NES, le Light Zapper? Ça utilisait un programme complexe pour réussir à détecter si tu avais frappé quelque chose. Pour commencer, l'écran de ta télé devenait noir. Si la lumière du sensor, du zapper, ne détectait pas de lumière, eh bien, ça passait à la prochaine étape. L'écran ensuite affichait un petit carré blanc, là où la cible avait été frappée. Si le fusil détectait le petit carré, on enregistrait ça comme un coup réussi. Et si ça échouait sur chacun de ces tests-là, c'est que tu avais manqué ta cible. C'est le fonctionnement du zapper, le petit fusil de Duck Hunt. La Virtual Boy maintenant. Le prototype original de la Virtual Boy était bleu et non pas rouge. C'était supposé être porté directement sur la tête du joueur, contrairement au vrai modèle de la Virtual Boy où c'était sur une table et tu devais te pencher vers la table. Il y avait un écran et un pad de contrôle, un control pad, sur la manette, et on ne sait pas encore à quoi servait l'écran sur la manette. Mais vous pouvez aller voir la vidéo. Il y a une vidéo aussi d'historique sur le Game Boy qui parle entre autres de la Virtual Boy, mais il y a une photo du prototype du Virtual Boy sur assemblagerequis.com. J'aurais aimé l'essayer. J'ai jamais pu essayer le Virtual Boy. Malheureusement, c'est un des grands manques dans ma vie, je trouve. Pour vrai. La télécommande, la manette du GameCube, son design vient justement d'un contrôleur prototype pour la Virtual Boy. Les deux sont mauves d'ailleurs, parce que la Virtual Boy, au départ, était supposée être un genre de bleu mauve. GameCube qui était mauve. Et allez voir les deux manettes côte à côte sur le site, c'est vraiment étrangement similaire. Je pense qu'ils ont pris les meilleures fonctionnalités de la manette de la Virtual Boy pour faire le GameCube. En septembre 2001, Nintendo a acheté une part minoritaire dans la compagnie de Tom Quinn, Gyration. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient un brevet partout dans le monde pour un système de contrôle basé sur un gyromètre. Ils avaient cherché dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Et en achetant une part de la compagnie, Nintendo voulait, a reçu la licence d'utiliser la technologie de contrôle des mouvements de Quinn. Ils ont pu profiter de son savoir-faire technologique pour la Wii, finalement, donc après avoir acheté une part minoritaire de Gyration de Tom Quinn. La console Sega Nomad, que vous connaissez peut-être pas, mais était basée sur une console semi-portable qui s'appelait la Sega Mega Jet. C'est un système de Mega Drive. Ça, Mega Drive, c'est la même chose que le Genesis qu'on connaît ici en Amérique du Nord, qui était fait spécifiquement pour les avions japonais. C'est basé là-dessus. Il y avait une caméra pour la Dreamcast. On a parlé d'une caméra de Game Boy tantôt, mais il y avait aussi une caméra pour la Dreamcast qui s'appelait le Dream Eye, qui pouvait seulement emmagasiner 30 photos en format JPEG, et c'était seulement disponible au Japon, bien sûr. Un light gun, un peu comme on a parlé du zapper tantôt pour la NES, Dreamcast devait aussi avoir un fusil à lumière qui n'est jamais sorti aux États-Unis. jusqu'à ce que Mad Cat, une compagnie de un tiers de parti finalement, ait développé le Dream Blaster, qui rappelait pas mal un phaser de Star Trek. Sega a commencé à produire leur propre light gun, mais ça n'a pas été vendu. Il n'a pas été vendu aux États-Unis, possiblement parce que Sega ne voulait pas avoir son nom sur un fusil si peu de temps après les fusillades dans les écoles, par exemple la Columbine High School. Toujours au sujet de la Dreamcast, le logo de la Dreamcast est supposé représenter ou symboliser l'origine de la puissance du pouvoir, dans le sens que l'univers est comme un vortex, nous dit-on. Le logo européen, si vous vous rappelez, le logo de la Dreamcast, c'est juste une spirale. Ça tourne sur soi-même. Ils ont dû changer le logo de rouge à de rouge et orange, si on veut, à bleu pour éviter des conflits, des problèmes de légalité, légaux. Donc, avec une compagnie allemande nommée Tivola, qui avait aussi une torsade, un tourbillon dans son logo et qui était aussi rouge. Donc là-bas, en Europe, on a changé le logo pour un logo bleu. Voilà. On continue sur les consoles. On va terminer avec les derniers faits de consoles. Le prix de la PlayStation en Amérique du Nord a été révélé lors du discours keynote de Sony à l'E3 en 1995. Le chef de Sony Computer Entertainment of America, Steve Race, est arrivé au podium après un très très long discours, là, intentionnellement beaucoup trop long, pour livrer une brève présentation. Sa présentation était un seul chiffre, un seul nombre, $299. Allez voir la vidéo de l'annonce sur assemblagerequis.com. Le logiciel interne de la PlayStation 2 était supposé être le mettre à jour. C'était prévu qu'on puisse le mettre à jour avec l'utilisation d'une carte mémoire. Sony a laissé cette fonctionnalité-là dans la console PlayStation 2, même si l'idée de mettre à jour le système via cette façon-là a été complètement éliminée. Plus tard, on a utilisé ça chez les hackers pour fabriquer le hack FreeMC Boot. Donc c'était la porte d'entrée de ce hack-là, d'avoir laissé cette fonctionnalité active. Et c'est tout pour cette fête Tech Edition. Le reste une autre fois. Voilà. C'est tout pour le Mathieu Plante Show aussi. Caroline, déjà rendue à la fin de cette émission de 2 heures du Mathieu Plante Show. Oui, retrouvons-nous en direct lundi prochain entre midi et 14h. On appelle les mercredis à 17h. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Consultez la programmation sur cif.ca et retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook. C'est facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!